Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et nous allons y aller avec une nouvelle scientifique. Valérie Levé va vous... François est en train de chercher ses feuilles. Oui, effectivement. Donc, j'ai dégoté une nouvelle de l'Université McGill qui parle d'un nouveau prothèse de, un nouveau type de prothèse de hanche. Oui, effectivement. Alors, on sait que, en fait, les implantations de prothèses de hanche sont de plus en plus fréquentes. D'une part, parce que, les gens pratiquent des sports de plus en plus âgés, donc ça use de prématurément les hanches. Et aussi en raison du vieillissement de la population. Et même comme les chirurgiens posent des prothèses sur des patients de plus en plus jeunes, et que la population vieillit, il arrive qu'il faille même remplacer les prothèses elles-mêmes. Et qu'est-ce qui se passe, Valérie? Est-ce que c'est parce que les prothèses s'usent? En fait, c'est pas la prothèse qui s'use, mais c'est l'os du fémur autour, donc le fémur dans lequel la prothèse est insérée. En fait, ce qui se passe, c'est que les prothèses sont plus rigides et plus dures que l'os naturel. Donc, c'est la prothèse qui absorbe les chocs et non plus l'os. Et l'os qui est autour de la prothèse, qui, comme il reçoit moins de chocs, il est plus stimulé pour fabriquer des nouvelles cellules osseuses. Et le fémur autour de la prothèse se dégrade. Puis le tout, évidemment, entraîne de nouvelles douleurs. Et comme le fémur se dégrade, en plus, ça devient encore plus difficile d'implanter une deuxième prothèse. Parce que le tissu osseux alentour n'est plus assez solide. Alors, comment les chercheurs de l'Université McGill ont-ils résolu ce problème? C'est une recherche qui a été menée par l'équipe du professeur Damiano Passini, qui est chercheur au département de génie mécanique, en collaboration avec le docteur Michael Tanzer, du laboratoire de recherche en orthopédie. Lui, il est au Joe Miller Hospital de l'Université McGill. Ces travaux viennent d'être publiés dans la revue The Journal of Orthopedic Research. L'idée, c'est de construire une prothèse poreuse au lieu d'être une prothèse pleine. C'est une prothèse poreuse. En fait, la prothèse, c'est une tige qui relie le fémur à la hanche. Les chercheurs ont construit une tige qui, au lieu d'être pleine, comporte des alvéoles, en fait, comme un os, parce que l'os est un tissu poreux. Et comme cette porosité est variable dans l'os, les chercheurs ont reproduit un petit peu la variation de cette porosité dans la prothèse. Donc, ils sont allés jusqu'à reproduire la gradation de la densité de l'os dans la prothèse en modulant les alvéoles à la surface de la prothèse et aussi à l'intérieur. Puis, ils ont observé que cette prothèse poreuse, qui ressemble davantage à de l'os naturel. Finalement, l'os naturel qui est autour de la prothèse, et de sorte que le fémur autour de la prothèse continue son activité de régénération de nouvelles cellules osseuses. Donc, il se détériore moins vite qu'avec une prothèse pleine et lisse, comme ça se fait couramment. Mais par contre, est-ce que cette porosité de la prothèse ne la rend pas plus fragile? Eh bien non, parce que les alvéoles sont de forme géométrique et c'est quand même des ingénieurs mécaniques qui ont travaillé sur le sujet, puis ils savent construire des structures résistantes, même si elles comportent des vides. Puis d'ailleurs, ils donnent l'exemple de la tour Eiffel, donc les quatre piliers, au lieu d'être un treillis métallique, auraient pu être des piliers métalliques pleins. On imagine que ça aurait nécessité des tonnes faramineuses d'acier. Donc, ils ont fait ça sous forme... ils ont fait un treillis, finalement, et ça résiste. La tour Eiffel résiste à son poids, puis elle résiste au vent. Donc, la forme creuse très alvéolée est quand même résistante. Donc, de la même façon, il est possible de construire des prothèses alvéolées plutôt que pleines. Puis, probablement, en fait, ce que les chercheurs espèrent avec ce nouveau type de prothèse, ils ont déposé un brevet d'ailleurs, c'est que la prothèse dure plus longtemps et évite donc une nouvelle chirurgie pour remplacer la prothèse. Alors, souhaitons que ce type de prothèse soit dure plus longtemps et qu'il évite une nouvelle chirurgie. C'est bien ça. Merci, Valérie.